joie dans mon quartier. On se casse pour rester cool, on est solidaires entre nous. Quand y'a les bleus qui cassent les couilles, toi tu trahis, t'es qu'une vieille merde. Viens vers chez nous, on traite de mouille. Tu mens trop à ta mère et puis tu dis tout à ta boule. Ça fume la belle dia, libéraux libérables. Une attaque sauvage sur une petite rabia. Y'a les porcs, c'est salope, escalade de grillage. Grillade au quartier, y'a toujours la fiable. Il est sur la route, tout scotché à l'étage. Les dos se resserrent, tout le quartier contre l'état. Ça charge des topos, là jusqu'à Malaya. Mal agir mon poteau, t'auras que par la on est là. De partout en pleine chaleur. Que des talents gâchés, fâché de voir qu'il y a autant de fachos. Et monte le son qu'on fasse la houelle. La rira elle est folle, un peu d'alcool elle fait la belle. Et puis ça la traîne par le col les gens y collent. Bordel la foule, tout le monde s'affole. Défilé de bolos au check, puis ils finissent sous camisole. Ouais, c'est comment, je suis trop chaud dans mon élan. Le poteau il est dedans, c'est pas fastoche quand c'est pour longtemps. Quand c'est pour longtemps, c'est pas fastoche quand c'est pour longtemps. Quand c'est pour longtemps, c'est pas fastoche. Quand c'est tu nous cherches, on est là. 6-9 de partout, on fait le halal.